donc un peu les filles. Allez, marquez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur Érigé, dans l'émission Johnny de A à Z, tous les mercredis en principe. De 22h jusqu'à minuit, je suis très heureux de vous accueillir pendant ce petit créneau-là. Oui, c'est un petit créneau, 2h, 2h30, 3h d'émission. Non, 2h, 2h ce soir, 2h, je vous promets 2h. Enfin, j'entends déjà qui râle. Eh oui, il y en a qui râlent toujours, je dis 2h, tout le monde râle, voilà. Bienvenue donc à l'émission Johnny de A à Z. Eh bien, ce soir, je vous ai préparé une petite émission. Oui, c'est une petite émission, car la grosse arrive la semaine prochaine. Oui, on va fêter la 500e émission de Johnny de A à Z ici sur RIG, la radio de Johnny, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Ce soir, je vous ai prévu deux émissions radio, deux émissions qui ont été animées par Patrick Sabatier. Et la première, c'était sur la radio RMC, dans l'émission Croque Musique datant du 11 août 1980. Johnny défendait son album À partir de maintenant, qui était sorti le 25 juin 1980. Et après, on le retrouvera un peu plus tard. Alors, c'était en février 1982, Johnny qui est à nouveau sur l'antenne de RTL et présenté par Patrick Sabatier. Le nom de la radio, le nom de l'émission, je ne l'ai pas, mais enfin, Johnny faisait la promotion de son album Quelque part un aigle. Eh bien, installez-vous, il est temps de rejoindre Johnny Hallyday à la radio. Donc déjà, dans la première émission de Croque Musique, Johnny sortait de scène la veille et je crois qu'il a passé une soirée assez arrosée. Donc, vous allez écouter Johnny parler. Très loquace, très loquace. Et on va se fendre la gueule. Bonne écoute à tous et à tous. Vous écoutez Johnny de A à Z. Johnny Hallyday, le bon temps du rock'n'roll. Come on, baby, let's go.

chaussette. Quand mes épingles à la gratuit, chaussette, chaussette. En concert et en soliste, chaussette, chaussette. Au profit des arts de l'atelier, chaussette, chaussette. Oui, on vit comme des zombies. C'est moche d'avoir des enceintes dans les poches. Stop, chaussette, oh! Halte, bloque, pas mon chaussette, oh! Halte, bloque, pas mon chaussette, oh! Halte, bloque, pas mon chaussette, oh! Halte, bloque, pas mon chaussette, oh! Halte, bloque, pas mon chaussette, oh! Halte, bloque, pas mon chaussette, oh! Et les Mitchell. Une chanson que Johnny aime bien, pas vrai, Johnny? Ah, moi j'aime beaucoup cette chanson, et puis j'aime beaucoup aussi le garçon, qui est un garçon merveilleux. D'abord, je suis son témoin de mariage. J'espère ne pas être son témoin de divorce, un jour. C'est vrai, il s'est marié il n'y a pas très longtemps, c'est un problème. Oui, je suis son témoin. Mm-hmm. Là, je dis bien à lui et pas à pas elle. Hein, parce que Eddie Barclay était son témoin à elle, mais moi j'étais le témoin d'Eddie. Bah, justement, on parlait des copains tout à l'heure. Eddie, les deux, Barclay et Mitchell, ça fait partie de la famille presque. Ah, mais Eddie Barclay fait partie de, si je peux dire, mes meilleurs amis. D'abord, j'habite chez lui en ce moment. Il a bien voulu m'accueillir, me recueillir, me nourrir. Tu manges beaucoup ? M'approvisionner en boisson, enfin en tout. C'est de sa faute, je suis malade d'ailleurs, je dois le dire. Comme il écoute ça en ce moment, je suis pas malade. Hein. Mais non, Eddie Barclay est un homme formidable. J'espère un jour, si je serai libéré de mes contrats de disques, j'espère un jour pouvoir enregistrer chez lui. Et puis, je compte d'abord commencer par ça. Je compte par commencer à faire un temps de retour en duo avec Eddie Mitchell, puisque Eddie Mitchell est chez lui. Et je pense que ça peut être assez intéressant de faire un disque de rock'n'roll et de country. Eddie Mitchell et Johnny Hallyday. Souvent, qu'est-ce que vous en pensez? Si on en fait un, vous allez l'acheter? Bon, ça, formidable. Ça en fait déjà 1000 de vendus, là, c'est ça? Non, 1000 non, mais ça en fait déjà 50 de vendus. Bon. Les frais d'enregistrement. Bon, alors, en tout cas, je veux dire bonjour à Eddie Barclay qui doit les écouter. Salut, Eddie. J'ai bu un Ricard à ta santé, pour pas changer, et puis je ferai un bon gala ce soir, ne t'en fais pas. Ton fiston va revenir bientôt, après spectacle. Voilà. Eddie Mitchell. Parce que c'est mon père adoptif, maintenant, Eddie Barclay. À ce point? Eh oui, oui, bah, je peux plus me passer de lui. Alors. Non, parce qu'il m'a appris, la... vous savez pas ce que c'était la vie de riche, ouais. Moi qui vivais pauvre, non. Il m'a appris ce que c'était que l'hélicoptère. Alors maintenant, quand on m'amène une Rolls-Royce pour aller à un gala, je dis, qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Il dit, moi, je fais un hélicoptère. Enfin bon. Ceci dit, Eddie Barclay est un hôte formidable. Est-ce qu'il fait encore des grandes fêtes, comme celles qui l'ont rendu célèbre? Il fait encore de grandes fêtes. Et chez lui, tous les jours est une fête. Ah, ouais. Mais je suis content parce que je l'ai rattrapé pour mon anniversaire. J'ai fait une fête qui était digne des fêtes que lui fait. Oui. Alors, ça a dû rendre. Alors en plus, j'étais content parce que je l'avais invité, il est venu. Bon, je voudrais qu'on parle un petit peu d'Eddie Mitchell aussi, parce que vous avez démarré ensemble à peu près. Eh bien, Eddie Mitchell, maintenant, le pauvre garçon, il est marié. Le pauvre garçon, il vient de s'acheter une maison. Pourquoi? Avant, il habitait une maison louée. Maintenant, il habite une maison achetée. Il faut la payer encore. Elle est inhabitable. Enfin, pour l'instant. Parce qu'il a aménagé une pièce. Et évidemment, et qu'est-ce qu'il a aménagé comme pièce? Non, pas la chambre à coucher. Oh! La cuisine! Vous avez des idées? Non, eh bien non. Il a aménagé en premier, devinez quoi? Sa salle de cinéma! Ah! Mais oui, car c'est un grand fanatique du cinéma. Il a d'ailleurs un superbe appareil en 35 mm, avec de très beaux films. Il a aménagé sa salle de cinéma. Oui, la chambre à coucher, là, vous étiez, hein? Vous avez des idées à la tête, vous. Enfin, moi, j'ai une chambre à coucher. Hein. Et elle est aménagée aussi, mais elle était chez lui. Oui, oui, il y a un grand lit, 2 mètres sur 2, ça vous va? Johnny, si on parlait encore chanson, parce que j'ai vu que tu avais choisi une chanson de Bernard Lavilliers. J'ai dit des bêtises, alors. Non, pas du tout, c'est intéressant, au contraire. Bon. C'est des détails piquants qui nous intéressent tous, sûrement. Moi aussi. Hein. Une chanson de Bernard Lavilliers, parce que c'est quelqu'un qui correspond à... Ah, j'adore Bernard Lavilliers. Vous aussi? Ben alors, on est tous d'accord, là. Laquelle? Trafic. Ah, alors, je dois dire quelque chose sur Trafic. Cet enfoiré de Lavilliers. Il était là hier, il nous écoute peut-être. Ben justement, enfoiré de Lavilliers, je dois le dire. Quand j'ai entendu sa chanson, elle n'était pas encore sortie, j'ai dit, oh, cette chanson est formidable. D'abord, elle est formidable, c'est vrai, non? C'est vrai? Je vais l'enregistrer, moi aussi. En pensant qu'il ferait un bide avec. Puis quand j'étais en studio pour l'enregistrer, c'est devenu un tube. Alors moi, tatin, fini, plus possible d'enregistrer. Alors j'en veux beaucoup, parce que, bon, qui chante ses chansons, c'est bien gentil, mais qui me laisse le meilleur à moi. Allez, on n'est pas rancunier, on va l'écouter. Trafic, Bernard Lavilliers. J'aime mon jeté, j'y fixe plus, hors de ma vue. Je t'aime encore, j'en vois d'abord, j'écris des villes sur du vinyle. Taxi driver, de double fait, fric solitaire, trop de parterre. Amour pour nous, je passe en plus, je prends du spleen, du rock-in. Lentement je vois cet univers-là, glisser vers le froid, le compte à rebours. Les derniers rebelles brûlent sous les lasers du manque d'amour. T'es venu que je bois dans cette société là, avant joue à toi, tu es où à la. T'es venu que je vis dans la radioactive, t'es venu que je meurs, t'avais la combine. Crédit me cache, plus on se cache, plus on décroche. Je suis accro, chez les dingos, milliards de flash, qui jouent au squash. Regarde-toi, regarde-moi, on ne se voit plus, on est perdu. Reste par toi, crève par toi, arrête le saut entre deux dos. Lentement je vois cet univers-là glisser vers moi. Le compte à rebours dans l'air nucléaire. Les derniers remèdes brûlent sous les lasers du manque d'amour. T'es venu que je sois dans cette société-là, un enjou à copain, un tueur ou un rat. T'es venu que je vis dans la radioactive, t'es venu que je meurs avec la combinaison. Cœur dérèglé, des allons, entre tes ailes, whisky glacé, par mal paré, cage de fer. Dans le vacarme, bruit qui danse, tu t'aimes aussi, tu t'aimes encore. Dans le vacarme, bruit qui danse. Je t'aime mon corps. Lentement je vois cet univers-là glisser vers le froid. Le compte à rebours dans l'air nucléaire. Les derniers remèdes Olympique, Bernard Lavillier. C'est Bernard Lavillier, toi. C'est pas le même goût des filles, je crois. Il y a une blonde qui vient, qui repart, qui vient, qui part, qui est super. Elles sont jolies, les hôtesses Radio Monte Carlo. Hein. Oui, mais vous n'avez pas besoin d'un. Elle est partie. D'un assistant. Elle s'est déjà perdue dans la foule. On vient à Lavillier. Oui, Lavillier. Lavillier est un garçon que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Taisez-vous. Le maître parle, silence, si vous êtes dans la salle. Non, c'est vrai, Bernard est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'abord, je l'ai rencontré pour la première fois il y a. C'était cet hiver. À Toulouse, il faisait un gala dans les environs. Mais il était en relâche. Moi, je faisais un gala dans les environs. Et on s'est retrouvés pour dîner. Et moi, ce mec-là, je me disais, bon, bah, je le connais pas. Il a l'air un peu bizarre. Une boucle d'oreille dans l'oreille. Bah c'est depuis, hein. Il t'a converti apparemment. Eh oui, mais c'est à cause de lui que j'en ai une machin. Et puis, bon, je vais passer à ça tout à l'heure. Et puis, on a passé un dîner fantastique. Il m'a raconté plein de choses extraordinaires, il m'a raconté des choses pour le Brésil. Il a vécu pendant très longtemps au Brésil, d'où vient la musique d'ailleurs qu'il fait maintenant. Il a vécu là-bas, il a commencé comme camionneur sur les routes du Brésil avec les brigands, parce que c'est vrai, au Brésil ça existe, les brigands qui attaquent les voitures, qui mettent des armes en travers, tout ça existe. Et il a vécu là-bas pendant quelques années, il a vécu avec une femme brésilienne d'ailleurs aussi. Et quand on connaît le Brésil un petit peu, pour ceux qui la connaissent pas, moi j'y ai été un petit peu, mais en touriste, beaucoup moins, disons, Moins aventurier que lui, disant que lui, il y a été vraiment pour gagner sa vie, pour manger. Il a conduit des camions pour manger. Il faut vraiment avoir des. Je ne le dirai pas à la radio. Non, mais on comprend. Il faut avoir ce qu'il faut, oui, il faut. Voilà. Et puis, bon, bah, là, on a commencé à bien s'entendre. On a parlé de musique, on a parlé politique, on ne s'entend pas du tout. Non. Tu parles politique des fois, toi? Moi, jamais. Mais lui, on en a parlé. Donc, moi, je lui dis que ça n'allait pas du tout la politique. Pas parce qu'il y a une politique spéciale que je défends, parce qu'il n'y en a aucune que je défends, parce que je trouve qu'on aille d'un côté ou d'un autre, ou à droite, ou de l'autre, ou au milieu, ou n'importe où, je trouve que personne n'est valable. Moi, je suis d'accord pour tout s'il y a quelqu'un de bien. Enfin bref, on va pas cette année. On va pas citer de nom, on va penser personne. Non, mais je trouve que s'il y avait quelqu'un de bien, de quel que soit le côté, je serais d'accord. Ceci dit, bon ben, lui, il aime être libre, il aime la même musique que moi, il a ce qu'il faut, il faut. Et puis quand il a envie de dire merde à quelqu'un, il dit merde. Mais vous avez, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour vous. Et j'ai beaucoup aimé cette personne. D'ailleurs, je suis très jaloux parce que du petit anneau de merdeux là, que j'ai là autour de l'oreille, maintenant il a un gros anneau de 8 ans. Et maintenant, je suis en train de chercher, un gros anneau de 8 ans parce qu'il n'y a pas question qu'il en ait un et j'en ai pas. Voilà. Johnny, si on écoutait. Ceci dit, je l'adore comme artiste et je l'adore aussi, ce qui est rare, comme homme. Bravo, je crois qu'on peut l'applaudir. À la fois Johnny et Bernard Lavillier. J'aimerais que tu nous chantes, je ne sais pas si on a le temps avant 18h, oui, une chanson qu'on aime beaucoup, que tu as prise, non pas piquée, mais prise dans le répertoire de Paul Naref. C'est La Poupée qui fait. Non, on a été un petit peu surpris de voir ça sur ton dernier album, cette chanson. Je l'ai faite pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand Michel Paul Naref a joué du piano avec moi au Palais des Sports en 76, il y a des espèces d'imbéciles, des espèces de collards qui ont dit « Ouais, Michel, tu joues du piano avec Johnny parce que ça marche pas bien pour toi et tu gagnes ta vie. » D'abord, je tiens à dire, c'est des cons, parce que Michel Polnareff, ça marchait très bien pour lui. Il avait quelques problèmes avec les impôts, mais qui n'en a pas. Et puis, en plus, il ne s'est jamais fait payer un centime de quoi que ce soit quand il a fait les 4 semaines avec moi au Palais des Sports, je tiens à le dire. Donc c'était pas du tout pour ça, c'était simplement par amitié. S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, il peut me dire. Hein. C'était en 71? Ah non, c'était en 60. Ah oui, c'est vrai, oui, oh, j'ai dit une connerie là. Pardon. Bravo. Bravo. On va l'écouter cette chanson. Ah, ça, non, non, il a raison, 71, il a raison, c'est moi qui dis conneries. La poupée c'est qui comme fait... les vieux, on gratifie. Hein. La poupée qui fait non. Bon, alors bon, bref, uniquement pour arriver à ça, j'ai simplement dit que j'ai fait cette chanson par amitié pour lui, par estime pour lui, par estime du musicien qu'il est, du compositeur qu'il est et de l'artiste qu'il est. Et puis voilà, j'ai essayé de faire ma version, moi. Ok, eh bien c'est parfait, on écoutera cette chanson tout de suite après les informations de 18h. Deuxième heure de Trunk Music avec Johnny Hallyday. Johnny qui vous offre la poupée qui fait nom, Johnny Hallyday. Qui fait non, t'as bien fait de l'enregistrer quand même. Bah, j'ai enregistré, bon, bah, voilà, pour les raisons que j'ai dit. Non, parce donc, que... Michel Polnareff n'a pas fait de caston avec moi en 71, comme a dit très justement monsieur. Au Palais des Sports. Il est plus simplement pour son plaisir, pour son pied, comme on dit dans le métier. Et puis il a joué gratuitement tous les jours. Et il n'avait pas besoin de ça pour sa publicité. Et puis, bon, bah, il a eu des problèmes d'impôts comme on a tous eu. Aznavour, bon, plein de gens. Et

Ou le Bezaf qui a enregistré la version espagnole d'un grand succès de Johnny. Non, je veux dire que je suis très content parce que bon, moi, ça fait partie de mes disques en France qui sont bien vendus, qui sont vendus à disque d'or. Et puis Iglesias, que je connais un peu comme garçon, qui est un gentil garçon, qui est un bon copain, qui est une idole dans tout. C'est vraiment une idole dans tous les pays latins. Il fait vraiment 120 ou 130 000 personnes quand il va chanter à Rio ou dans tous les pays, disons. L'Amérique du Sud. Mmh. Il a vendu beaucoup, beaucoup de disques avec cette chanson que j'ai interprétée en français. Et je suis très heureux pour lui d'ailleurs qu'il ait vendu beaucoup de disques. Et moi je pense personnellement qu'il a beaucoup de talent parce qu'il sait adapter les choses de chaque pays dans ce qu'il faut pour son pays à lui. C'est ça. Tu parles d'idole. Johnny Hallyday est une idole depuis 20 ans. Alors je voudrais savoir un petit peu quelle est ta conception de l'idole. Moi je suis sorti du ventre d'une femme, c'est tout. Non mais tu es une idole quand même. Il n'y a qu'à voir tout le monde qui est malade aujourd'hui. Je veux dire, tu as fait. Julio Iglesias, ça fait un petit peu moins de monde. Je pense pas que je suis une idole. Je pense que je suis un copain. Et puis je pense que je suis un copain pour plusieurs raisons. D'abord parce que je chante peut-être des chansons qui plaisent à certains et qui ne plaisent pas à d'autres. Et puis également parce que je m'intéresse au sort de chacun. Que je suis un petit peu mêlé au sort, disons, à la vie courante de tout le monde. Et que je pense que les gens le savent. Et que ça concerne un peu tout le monde, et je crois que on est solidaires, non? Je pense... Oui ou non? Non, dites-moi oui ou merde. Bon, alors c'est oui. Non, je pense que ce qui nous frappe là aujourd'hui, c'est que bon, quand on reçoit Johnny Hallyday, il se passe quelque chose. Quand même pas un artiste comme nous. Mais hein. Non, mais pourquoi? Non, mais pourquoi? Parce qu'on est ensemble depuis le début. Non, mais il y a une chose extraordinaire, c'est que c'est ta gentillesse qui nous a frappé depuis le début de l'émission. C'est que bon, on est parfois un petit peu envahi. Non, c'est pas. Je suis pas gentil. Je suis pas quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un de très méchant. C'est pas évident comme ça tout de suite, hein. Mais j'ai tellement de plaisir à être avec vous. Ah. Il y a trop de choses que tu ignores. Un jour elle est... Un diable entouré d'anges, c'était Johnny Hallyday. Je propose maintenant de jouer au bon choix de Julio Iglesias. Vous savez que c'est notre grand jeu, celui de salle. Spectacle ce soir à Nice. Au théâtre de Verdun. On parlait des expositions. Au palais d'exposition, elle peut venir, je l'emmène, elle passe une soirée avec nous tous, les musiciens. Non, pas que moi. Hein. Pourvu qu'elle n'habite pas trop loin. Avec moi, les musiciens, elle passe une soirée, disons, une soirée comme si elle faisait partie de la famille. Parce que vous savez que les musiciens, la technique, ils sont. C'est une famille. Ça s'appelle la familia. Le clan. Voilà. Le clan. Le clan. Pas le clan des Siciliens, non. Le clan. Le clan des Belges, une fois, c'est une petite. Johnny, j'aimerais que tu me parles un petit peu de Mick Jagger que tu as rencontré la semaine dernière. Tu as dîné avec, je crois. Ben, Mick Jagger, depuis qu'il a coupé sa barbe, il a rajeuni de 20 ans. Oui. Il l'air très bien. Mmh. On l'a vu hier à la télé, d'ailleurs, dans une interview. Il parlait très très bien le français. Ah non, il parle très bien le français. Ouais. Mick Jagger parle vraiment avec quelqu'un de très cultivé. Il y a très peu de gens qui le savent. Mick Jagger parle un français parfait. À ce que sache, il n'a jamais vécu avec une femme française. Ou je l'aurais su. En tout cas, je ne la connais pas, celle-là. Et bon, enfin, il parle un parfait français. Et puis, c'est quelqu'un de très cultivé. Quoi qu'on dise, Mick Jagger, les Rolling Stones, les drogués, la cocaïne et tout ça, c'est pas bon pour les jeunes, c'est vrai, c'est bon pour les vieux. Mais ceci dit, je dois dire que il avait l'air très net. Mmh. Il avait l'air d'avoir rajeuni de 20 ans, il avait coupé sa barbe, il est en pleine forme, il va faire un disque, j'ai passé une excellente soirée avec lui. Il paraît que Bill Wyman va quitter prochainement les Rolling Stones, est-ce que ça annoncerait une petite dissolution? Ben, c'est-à-dire que Bill Wyman a des problèmes familiaux, hein, qu'il ne faut pas oublier, il est marié, il a des enfants, je crois qu'il a envie de vivre une vie, disons, plus retirée à la campagne, et puis que la vie de baladin que font les Stones, comme beaucoup d'artistes, ne lui convient plus. Il a envie de vivre avec sa femme, il a assez d'argent, il peut vivre en famille, et puis bon, bah, il a décidé d'abandonner un peu. Mais c'est pas un problème pour Mick Jagger, parce que les Rolling Stones, c'est un nom, mais le nom des Rolling Stones, c'est Mick Jagger surtout. Donc Bill Wyman va partir, mais il y aura un autre qui va le remplacer, ce sera toujours les Rolling Stones. À mon avis, les Rolling Stones s'écrouleraient s'il n'y avait plus Mick Jagger. Si on les écoutait dans Emotional. Oh, moi je demande pas mieux parce que j'adore les Rolling Stones. Thank you. Romantique, un peu triste, comme on les aime parfois, je dis. Il est en train de s'énerver là sur un bout de papier, je sais pas pourquoi. c'est pas clair. Moi, j'aurais aimé te demander de nous parler un petit peu de Sylvie, qui était avec nous vendredi dernier. Et c'est qu'on a beaucoup parlé de drame de rupture entre Sylvie et Johnny Hallyday. Je crois que ça fait de la peine à beaucoup de monde. Alors, je voudrais savoir ce qu'il en est exactement. Apparemment, ça n'a pas l'air de lui faire tellement de peine. Hein. Tellement de peine? Oui. Tellement peur, non. Tellement peine, oui. Non, moi, je dois dire que, bon... Ben, c'est-à-dire que, tu sais, je connais Sylvie. Je gagne du temps, là. Oui. Je réfléchis. Ça fait penser. Bon, disons que j'avais 18 ans quand j'ai connu Sylvie. J'avais 37. Et puis, Sylvie avait... 16 ans 17 ans. Ah bon. Oui. Alors, ça va, hein. Je connais mon histoire par cœur, hein, bon. Non, Sylvie sera toujours la femme que j'aimerais toute ma vie. Ça fait plaisir d'entendre ça quand même. Non, Sylvie Artin sera ma femme toute ma vie. Maintenant, on tient à continuer quand même. Johnny voulait dire quelque chose, alors voilà, on arrête de discuter. En maintenant la vérité, je voulais parler. Alors, on repassera le disque. Ah ben, bien sûr. Donc, je voulais simplement dire, Sylvie Vartan, donc Sylvie Hallyday, ou Sylvie Sbel, comme vous voulez, sera ma femme toute ma vie dans mon cœur. Elle sera ma femme toute ma vie. C'est la seule femme au monde que j'ai jamais acceptée et que j'aimerais toujours. Et je trouve que on a déjà réuni, on divorce. Ils sont curieux, hein? Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres? Non, c'est méchant ce que je dis, non pas parce qu'il y en a d'autres. C'est parce que c'est parfois difficile. La vie, parce que c'est difficile de vivre un métier. On est deux artistes qui vivent ensemble, c'est très difficile. En fait, je sais que vous aimez. Non, mais c'est pas fini. Hein. Il faut dire les choses que vous. Arrête de me parler. Voilà, tu parles. Je vais te dire une chose. À tes... On n'est que par oui ou par non. Et aujourd'hui, c'est difficile de placer un mot. Mais ouais, je préfère comme ça. Alors, ferme ta gueule. Allez, vas-y. Achète ce que tu voulais dire. Simplement, c'est qu'elle a eu sa vie. J'ai eu la mienne. On va être divorcés, sûrement. On va vivre notre vie chacun de notre côté. Et puis, il n'est pas exclu que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, j'en sais rien, moi, on se remarie. Tu sais, moi, je vais vous dire une chose. J'avais 16 ans quand j'ai connu Sylvie. 17, bon, 17, bon, d'accord, alors. Pourquoi la part en deux? Bon, 17. Non, 17. Pas 18, 17. Mais ça, c'est les journaux, 18. Moi, je peux dire 17. Ouais, j'étais vraiment mineur, mais j'étais mineur aussi, alors ça va. En plus, comme je suis en train d'être vraiment mineur en ce moment, ça n'a plus rien d'important. Non, et... il s'est trouvé que, c'est difficile de bâtir une vie là-dessus quand on donne tout au départ. Et puis que, bon, avec ce métier qu'on fait, il est, disons que, il y a des moments où on est un peu... pris par un côté, par un autre, et puis on est un peu déçu aussi, beaucoup par ce métier. Et puis disons que moi je n'aimerais jamais quelqu'un d'autre, mais Je crois qu'il est important pour elle et pour moi, en tant qu'elle, pour comme femme, en tant que moi, comme homme, qu'on fasse notre vie. Et puis que dans... rien n'est impossible, dans quelques années, dans 2, 3 ou 4 ans, pourquoi pas on se remariera pas, je veux dire, c'est la seule femme que je trouve. Johnny, nous avons passé près de 2 heures avec toi. Je voudrais te remercier au nom de tous ceux qui nous écoutent et au nom de tous ceux qui sont venus t'applaudir d'être venus précisément aujourd'hui en direct à cette émission. Je rappelle que ce soir, tu chantes au Palais des Expositions de Nice. Et je ne suis pas malade. Et il n'est pas malade, on a pu s'en rendre compte, il est même dans une super forme. Johnny, on va se quitter avec une chanson extraite de son dernier album. À partir de maintenant, génial idée, merci! Rien n'a vraiment d'importance, plus d'importance. À partir de maintenant, il faudra que je m'habitue à vivre le cœur nu. Je suis comme en convalescence, je ne suis pas guéri encore de son absence. Lorsque j'y pense, j'étais un homme il n'y a pas longtemps. J'ai peur d'être un enfant à partir de maintenant. À partir de maintenant, moi je vais m'ennuyer partout et haïr tous ces gens. C'est fou la place qu'elle avait pris, c'est fou l'amour, c'est con la vie, bien trop souvent. Je sais bien que je n'aimerai plus vraiment à partir de maintenant. À partir de maintenant, comment pourrais-je faire l'amour comme on faisait l'amour? Son corps par cœur, mais son cœur à elle était déjà loin ailleurs. Avec elle j'avais du talent, j'étais drôlé, je me sentais plus fort qu'un géant. Je voulais lui faire un enfant, je ne veux plus d'enfant à partir de maintenant. Pour elle commence une autre vie, pour moi la jalousie. Sans le connaître, je hais cet homme, car je sais quel amour elle donne quand elle se donne. À partir de maintenant, elle doit l'aimer et oublier même que j'ai existé. Si j'ai existé, compagnie de Johnny Hallyday. Une question simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Tu peux faire le tour de la Terre. Elle sera toujours avec toi. Pour tout recommencer pour toi. Continental Edison. Vidéo

il y a, attends, que je regarde, parce que il y en a pas mal quand même qui ont travaillé sur certaines chansons et pas d'autres. George Doering, Bill Fowler, Eric Boads, Slimou, qui est Slim. Mm-hmm. Bono Victoire, José Souk, Steve Maston, Eric Boite toujours, il y a Pierre Billon, enfin bon, il y en a plein. Enfin, toute l'équipe habituelle. Ouais. Décalage horaire, tu peux nous en dire deux mots? Bah, décalage horaire, bah, je crois que ma vie est un décalage horaire, alors on a décidé d'en faire une chanson, tout simplement. Bon, ça va là, regarde, il n'est pas encore tout à fait 11h, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée aujourd'hui, jeudi? Aujourd'hui? Oh, je vais sans doute aller faire du sport. Bon, très bien, toujours la forme, tu es toujours très bronzé en ce moment. Hein? Oui, bah, tu sais, je fréquente les mêmes endroits que toi, je crois que... Oui, d'accord, moi je suis un peu panichon aussi, j'y vais pas tous les jours. Salut Johnny. Aussi lourd qu'un aérogare. Choisis plus été, hiver, fromage, dessert. Ma montre a flippé et ses aigris se sont plantés. M'a découvert dans le désert une brune à Shanghai. Oui, sous son chandail. C'est ça, on flippait, c'était minuit dans mon grenier. De la Trinité. Alors, c'est quoi qu'on l'a pas fait, l'audition? Avant le jour, on est encore à la bourse, c'est sûr! Et alors, tu crois qu'il y a des gros restos là? Avant ta vie, non seulement on va louper la fille, mais on va louper l'avion! Elle est pas mal, l'hôtesse! Elle est super bonne, l'hôtesse, ouais! On va louper la fille et l'avion! Bien, l'hôtesse, dis donc! Oh, l'hôtesse, qu'est-ce qu'elle est bonne! Oh non, il y en a une! Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne! Non, écoutez, arrêtez. Mais si. Oh, tant pis pour l'avion. Hein. C'était, on va faire comme au cinéma, c'était Johnny Hallyday qui venait vous présenter sur RTL ses chansons. Je te remercie d'être venu. Eh bien, c'était un petit pour moi, un plaisir bien matinal. Oui, bah, excuse-moi de t'avoir dérangé. Mais pas du tout. Non, mais c'est promis, maintenant, ce sera beaucoup plus tard. D'accord. Salut Johnny. Bonsoir. Johnny Hallyday sur l'antenne de RTL avec Patrick Sabatier. Vous m'avez demandé, c'est pas dans cette émission où il y a la chanson My Way? Et j'ai dit non, c'est pas dans celle-là. L'émission s'appelait Show les Cœurs, c'était le 1er février 1982, la date de sortie de l'album Quelque part un aigle. Et cette émission de Patrick Sabatier, où il y a la promo de Johnny Hallyday de l'album éponyme, enfin quelque part un aigle du moins, eh ben je n'ai pas cette date-là, je cherche, je ne trouve pas, et là, pour faire plaisir, eh ben on va écouter My Way, extrait donc de l'émission radio Chaud les Cœurs en 1982, le 1er février. Et Johnny, je sais que de temps en temps, vous aimez chanter My Way. Là, Johnny est en train de répéter. Il a repris les paroles. Vous me prenez au dépourvu, là. Ah bah oui, parce qu'en fait, Johnny, vous n'avez pas tellement été prévenu, cette histoire-là. Parce que vous aimez ce genre-là, mais... On va taper. Alors, on va essayer, Georges Rabol est au piano, et on va essayer pour vous, et parce que Johnny vous aime beaucoup et nous aime beaucoup, de chanter My Way. Johnny Hallyday. And now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll sail clear, I'll state my case, of which I'm certain. I believe a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, I did what I had to do, and so were true, without exception. I planned each shadowed course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did my way. Yeah, there were times, I'm sure you knew, when I beat off more than I could chew. But when all there was doubt, I ended up and faded out. I faded all as to the tone, and needed my way. Mais non, c'était pas prévu. Ben oui, voilà comment on prend Johnny au vif, et puis il nous interprète une version magistrale. Tiens, allez, hop, bonus supplémentaire, je vais proposer la version de My Way chantée par Johnny, 5 jours plus tard. Michel Truquet a fêté la 1000e émission de la Grande Parade, c'était le 5 donc février 1982. Hello. On aurait demandé encore. Merci encore toutes et à tous d'avoir participé à cette émission et d'avoir écouté surtout cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la 500e émission de Johnny 2 à Z. Et on va parler de ce fameux coffret Bercy Mix 2022. Oui, vous aurez des extraits de ce coffret-là ici en direct de l'émission Johnny 2 à Z. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao.